je ne puisse l'être grâce, miette qui perdu long, j'aime mieux que mon cœur dit que messieurs. À la moitié de ma vie, éperdument à servir, à son grasset en bon point. Mais fâché, je ne suis point d'être serf pour l'amour d'elle, pour l'embonpoint de la peine, qui éperdument j'aime mieux que mon cœur dit que messieurs. Pucelette, pucelette, maigrelette, qui éperdument j'aime mieux que mon cœur dit que messieurs. Éperdument à ravir l'autre moitié de ma vie, de son maigrette en bon point. Mais fâché, je ne suis point d'être seul pour l'amour d'elle, pour la maigreur de la belle, qui éperdument j'aime mieux que mon cœur dit que messieurs. Autant me plaît la maigrette, et l'une à son tour autant que l'autre me rend content. Ni le temps, ni son effort, ni violence de mort, ni les mutiles injures, ni les médisants parjures, ni les courageux brocards de vos voisins babillards, ni la trop soigneuse garde d'une cousine bavarde, ni les soupçons des passants, ni les marques menaçantes, des frères, ni les prêchements des mères, ni les oncles sourcilleux, ni les dangers périlleux qui l'amour peuvent défaire. N'auront puissance de faire que jamais je n'aime mieux que mon cœur ni que mes yeux. L'une et l'autre puissent l'être, grasselette et maigrelette.